porte ouverte. Le ciel à nu, béant. Les orages de la vie, le feu qui brûlait nous-mêmes. De désillusion en désillusion. La planète de perdre au loin d'ici, approcher des étoiles, surfer dans le désert brûlant, de désillusion en désillusion. Oh,